je me permettrai peut-être juste de souligner quelques aspects qui ont été parfois évoqués de façon rapide mais non développée. Il y a la question d'abord des niveaux de prévention. Tariq l'a souligné à certains moments, c'est pas la même chose d'intervenir pour un acteur externe en prévention primaire, c'est-à-dire en essayant de remettre en cause l'organisation du travail, qu'en prévention tertiaire, et a été beaucoup moins évoquée la prévention secondaire, à savoir qu'est-ce qui se passe pour essayer de réduire les risques et de réduire les conséquences, surtout. La mise en place de formations visant à renforcer l'individu. Ce qui est un des outils, mais qui n'est peut-être pas le seul non plus. Oui, bien sûr. Et en revanche, a été très présente quand même, surtout dans les deux premières interventions, la question de la pluralité disciplinaire. Et donc, j'ose espérer que celle qui caractérise forcément, structurellement, par définition, la salle va permettre d'enrichir le débat, notamment ce qui a été dit d'un point de vue, on va dire, micro, sur la question de la place, finalement, dans l'histoire de l'entreprise que peuvent prendre différents rapports. Et des enjeux de lutte qui existent naturellement autour de cette question d'objectivation de la souffrance et de reconnaissance de la souffrance. J'oserais à peine finir mon introduction au débat en disant, mais est-ce que l'objectivation est réellement possible? Est-ce que la fixer comme un objectif en soi n'est pas se mettre en position d'échec par définition? Donc comme j'ose à peine, je l'ai fait quand même, mais c'est pour ouvrir le débat. Donc est-ce qu'il y a une première, première main qui se lève tout au fond. Donc ça... Merci. En fait, c'est une observation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah, pardon. Jean-Louis Bally, je suis à l'Observatoire du stress de France Télécom. Donc, c'est une observation par rapport à l'expertise. Je pense que plutôt que de parler de l'indépendance, etc., ou des qualités du cabinet d'expertise, nous, ce qu'on a constaté, ou du moins c'est notre avis, c'est que le plus important, c'était d'avoir l'indépendance du donneur d'ordre, quel qu'il soit. C'est-à-dire, est-ce que le donneur d'ordre est réellement indépendant, ou soit parce qu'il y a une négociation entre les deux parties, ou je ne sais quoi. Et donc, je prendrai deux exemples qui sont complètement opposés et caricaturaux. Le premier, c'est ce qui s'est passé donc à France Télécom, quand il y a eu la crise, où il y a une enquête confiée au cabinet Technologia. Une enquête qui a fait date. Et en fait, étant donné la situation de crise de l'entreprise, cette enquête, dans les faits, elle a été imposée à tous les partenaires, je dirais en gros par le ministère du Travail. Donc il y a une certaine indépendance externe, et le résultat, c'est que on a vu, par exemple, que sur à peu près 80% des salariés actifs, c'est-à-dire 60 000 personnes, ont répondu spontanément. Cette enquête a donné lieu à un travail considérable, vraiment très, très important. Et d'ailleurs, on peut dire que c'était tellement important et, je dirais, indépendant et objectivé que toutes les mesures n'ont pas été forcément retenues à la fin par la direction. Et en face, je prendrai un exemple totalement caricatural et opposé, qui est la crise à la Poste, où on voit un PDG qui nomme une commission dirigée par un clone de lui-même, parce qu'il faut savoir que le responsable qu'il a nommé n'est rien d'autre que quelqu'un qui retrouve régulièrement dans tous les conseils d'administration, les clubs politiques et les autres centres de recherche. Enfin, voilà. Et donc, le résultat final, c'est qu'on voit, dans ce cas-là, à l'inverse, on voit les salariés qui sont convoqués par les managers pour répondre à l'enquête. Bon. On voit tous les dossiers qui sont faits par les autres experts ou par les organisations syndicales ou même par des salariés qui sont envoyés à la commission. Ces dossiers disparaissent et n'apparaissent pas dans le rapport final. Et on voit à la fin, finalement, un rapport final qui n'est rien d'autre que qui cite dans sa première partie et ses conclusions, en fait, qui reprend tous les objectifs annoncés à l'avance par la direction. Donc je pense que le plus important, ce n'est pas l'expert, mais c'est l'indépendance du donneur d'ordre. Oui, Pascal-Marie Chalard, sociologue. J'interviens après. J'avais une question à Xavier Zunigo, vous avez un certain recul sur votre activité, que n'ont peut-être pas tous les intervenants. Et je voulais savoir, vous parlez d'usage stratégique et puis la pression à agir plutôt que l'appétit de connaissance en soi. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelquefois Est-ce que les acteurs ne cèdent pas justement au goût de produire de nouvelles connaissances, à l'idée qu'ils sont en train de produire des nouvelles connaissances? Est-ce qu'il y a, par exemple, moi j'avais rencontré des représentants syndicaux qui très clairement étaient quelque part en reprise d'études, disons, sur cette question de la souffrance au travail. Ils avaient une appétence universitaire, disons, pour ça, pour des études qu'ils n'avaient peut-être pas faites aussi loin qu'ils voulaient, qu'ils pouvaient ou qu'ils voulaient les faire au début. Les colloques syndicaux sur la souffrance au travail deviennent des colloques quasi universitaires. On discute de est-ce qu'il vaut mieux telle échelle, est-ce qu'il n'y a pas des critiques scientifiques, etc. Et je me demandais s'il n'y avait pas également dans l'intervention des cabinets, quelquefois, les gens qui croient que vraiment ils sont là pour produire des connaissances avant tout. Est-ce que vous voulez répondre directement à ces deux premières questions? Et je ne sais pas si Florence, Sandrine ou Tariq veulent réagir également. Moi, c'était concernant la première question. Alors Tariq, peut-être pour la première question, ensuite Xavier pour la suite. Donc pour reformuler, donc je vous remercie pour vos questions. Pour reformuler votre question, ce serait le fait que ce n'est pas l'expert, donc le plus important, mais ce serait l'indépendance du donneur d'ordre. Pardon. C'est bien ça, monsieur. Mais j'ai. Oui, évidemment. Mais il y a vraiment une importance par rapport au. Encore une fois, que je l'ai souligné très rapidement, le fait qu'il existe des contextes qui vont être plus propices que d'autres, qui vont être plus constructifs que d'autres. En caricaturant un peu tout petit peu, on pourrait même dire que en fonction du. On peut déjà savoir si une expertise ou une mission de conseil va aboutir sur une situation constructive dès le début de la mission, pour en analysant le contexte dans lequel cette mission, cette expertise va s'inscrire. Le donneur d'ordre, outre son. Vous parlez d'indépendance, moi je parlerai de raison à agir. Qu'est-ce qui a poussé le donneur d'ordre à réaliser cela? Est-ce que cela va être dû à une volonté de réellement remettre à plat la situation de travail, l'organisation de travail, les sources de RPS, les sources de mots? Donc là, on va être dans cette situation, j'allais dire, positive. Ou est-ce que c'est une commande, j'allais dire, téléguidée pour taper sur la direction ou sur les salariés? Donc, plus que l'indépendance, je parlerais plutôt de la volonté de ce qui pousse à agir, ce qui pousse à commanditer, ce qui pousse à déclencher l'intervention. La motivation du donneur d'ordre. Mais évidemment, ces questions d'indépendance se doivent se poser. Donc plutôt le facteur déclencheur que le voilà, que la relation. Juste un petite anecdote. Il y avait, dans le cadre de mes entretiens, certains consultants qui disent, mais dès le début, on sait si cela va fonctionner, si cela ne va pas fonctionner. On sent qu'en certaines directions, déjà le type de relations sociales qui est préexistante, le contexte d'intervention, on sait que certains contextes vont être plus propices, qu'il y a un dialogue social qui existe entre les acteurs de l'organisation. Et j'ai presque envie de dire que c'est dans ces organisations qu'on n'a pas réellement besoin de prévenir les risques psychosociaux. Donc très souvent, la prévention des risques psychosociaux se déroule dans un contexte qui est figé, qui est sclérosé, qui est un rapport de force non constructif entre les acteurs de l'organisation et qui n'est pas propice, ce qui peut expliquer le fait qu'il y a énormément de politiques de prévention de rapports d'expertise de conseil qui terminent sur une étagère et qui ne sont pas actionnés. Donc vraiment, le contexte d'intervention est hyper important. Merci. Xavier. Oui, je répondrai très rapidement à la première question. Alors, sur l'indépendance des donneurs d'ordre, vous parlez quand même de très gros dossiers. On parle du cas de France Télécom et de La Poste. Il y a le mode ordinaire d'existence de l'expertise où le ministère intervient quand même beaucoup plus rarement. La Poste, c'est un cas un peu particulier. Ils ont une structure juridique qui fait que c'est plus dur de faire une expertise nationale, alors qu'à France Télécom, c'était possible. Donc, le garant de l'indépendance, normalement, c'est l'agrément du ministère et c'est le CHSCT qui nomme un expert qui est supposé être indépendant. Naturellement, une fois qu'il est dans le champ de force, c'est un peu plus dur. Il est instrumentalisé aussi bien par les directions que par les syndicats. Après, ça dépend de sa résistance, à l'instrumentalisation pour maintenir cette indépendance. Donc ça, c'était très rapidement. Il faut souligner aussi que dans le cas de France Télécom, vous faites partie de l'Observatoire du stress. C'était un acteur central qui a fait émerger cette histoire, et que la Poste ne bénéficie pas de cet activisme syndical et universitaire. Pour répondre très rapidement à votre question, oui, je vais répondre oui. Ça peut effectivement déclencher des vocations et une certaine appétence pour le travail intellectuel. Mais c'est pareil, ça dépend qui, quelles sont leurs trajectoires, quelles sont leurs aspirations. Enfin voilà, c'est, je pense, quand même un public très spécifique qui peut s'intéresser à la thématique des risques psychosociaux et au corpus de connaissances que c'est. Dans l'existence ordinaire du syndicalisme, c'est pas sûr quand même que ce soit le lot de toutes les personnes. Je peux le dire, j'ai quand même un certain nombre de personnes dans les CHSCT. La première chose qu'ils font dans un rapport, enfin ça c'était pour une banque qui était en train de faire faillite il y a quelques années, ils nous ont pris un rapport qu'on avait fait avec un autre docteur en sciences politiques, et immédiatement ils sont allés à la page de la fin en regardant si les tracts syndicaux étaient dans nos préconisations, où je pourrais citer France Télécom sans pouvoir citer la centrale syndicale. On a fait avec Lou Wolf, qui est administrateur à l'INSEE, un travail assez conséquent et fatigant sur les 80 000 répondants du questionnaire qu'avait administré Technologia. On a fait une restitution qui, je pense, était plutôt honorable et un travail de bonne tenue. Dans les couloirs, tout ce travail est passé à l'as, et finalement, ce qui importait, c'était... D'accord, on a compris vos histoires de quartier, d'indicateurs, mais moi, je mets quoi sur mon tract? Il y a combien de personnes qui souffrent? Bon, voilà, c'est pas du tout l'optique avec laquelle on travaille, mais voilà, c'est ça qui... Donc, il faut pas minimiser, je pense, ces enjeux pratiques. Après, naturellement, ça peut déclencher des vocations, mais ça, c'est autre chose. Il faudrait en faire la sociologie, mais bon, ça, c'est pas mon travail. Merci. Il nous reste 2 minutes. Donc après, on peut considérer que justement... Ah, je vois une main qui se lève. Deux mains qui se lèvent. Donc 2 minutes, pile deux mains. Bonjour, je m'appelle Pascale Bourra-Housny, je travaille à la région Île-de-France. En fait, je suis la directrice de la recherche et de l'enseignement supérieur. Je suis donc venue ici dans le cadre de mes fonctions pour accompagner le DIM. Et je voulais simplement souligner que les ressources humaines m'ont demandé de participer au comité de pilotage de votre étude. Donc c'est le signe qu'on fait le lien entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Merci. Je n'ai jamais dit le contraire. Merci pour ce complément d'information. Et il y avait une main juste devant, 4 rangs devant. Voilà. Merci. Constance Perrin-Joly, je suis maître de conférence à Paris 13. J'avais une question pour nos collègues de l'UPEC. Savoir si, après avoir fait cette analyse en fait du cadre dans lequel ont été réalisées ces grilles, est-ce que vous êtes allé regarder sur les conséquences que ça a en termes d'interprétation? Et vous aviez dit en introduction que ces grilles étaient également utilisées dans les entreprises. Est-ce que justement, là aussi, ça a des conséquences en termes d'interprétation? Est-ce que c'est les mêmes que les conséquences en termes d'interprétation que dans le cadre scientifique? Oui, oui, la plupart des instruments de mesure que nous avons cités sont très, très largement utilisés, recommandés même, hein, sans qu'ils soient portés réellement de critiques sur les outils de mesure. Aujourd'hui, la question qui se pose, qui est en lien effectivement avec les précédentes interventions, c'est la question de la production scientifique, c'est-à-dire on fait des études, on fait des enquêtes, parfois colossales effectivement. Qu'est-ce qu'on en fait après? Comment elles sont interprétées? Comment même elles sont discutées, et qu'est-ce que ça finalement produit comme information. Et oui, après, c'est toute la question de la scientifisation nécessaire de ce champ, c'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises veulent absolument une enquête quantitative, hein, parce qu'il est plus possible de faire uniquement des interviews avec des médecins du travail. Donc il faut l'enquête quantitative. Le résultat et ce qu'on en fait ensuite, voilà, c'est aujourd'hui la vraie discussion. Probablement aussi dans la pluralité, on va dire, des profils des consultants RPS, l'utilisation de la statistique laisse complètement à désirer. Donc on assiste à des, on va dire, des rapports complètement fantaisistes. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement de travailler là-dessus. Qu'est-ce que on peut, jusqu'où peut-on aller et comment les personnels, puis ensuite, on va dire, les représentants, pourraient réellement se saisir de cette question avec un minimum de compétences pour pouvoir juger de la fiabilité des informations. Tu veux rajouter ? Non, juste pour souligner le fait, on va prendre Karasek, parce que Karasek, c'est un peu le béaba, la caution scientifique dans le cadre de la mesure, en tout cas en France. Il est clair que le modèle de Karasek, ça porte une vision extrêmement restrictive de l'individu. Hein, et que, au travers, si l'enquête n'est pas complétée par une étude plus sociologique, avec des entretiens plus en profondeur qui vont permettre de contextualiser le travail, les préconisations tirées d'un questionnaire peuvent être pour le moins rustiques. C'est-à-dire que oui, l'individu contribue trop en regard de ce qu'il reçoit. Voilà, vous allez être dans une vision extrêmement simple, hein, économétrique de l'individu. Le questionnaire en tant que tel, lui, il ne dit que ce que vous avez mis dedans. Il ne fait que quantifier sur des items que vous lui avez préalablement mis. Il ne dit rien de plus. Voilà. Donc, effectivement, on peut s'interroger quant à... C'est assez facile d'instrumentaliser un instrument de mesure. On peut s'interroger quant à l'utilisation. Ce sont les données qu'on voudrait obtenir, mais c'est très difficile de travailler sur ces sujets. Alors, une dernière intervention de la salle et je conclurai en quelques mots. Ouais, mais... Rapidement, c'est juste une réaction. Peut-être qu'on va en reparler, hein, parce que c'est... Sans doute pendant la pause entre vous, oui. Ouais, Lou Wolf, chercheur au Centre d'études de l'emploi. Je voulais réagir à votre intervention, parce que je suis notamment statisticien, donc j'ai l'habitude de manipuler ce genre d'objet. Et effectivement, se pose la question de... Est-ce que ces outils sont faits pour étudier des situations individuelles ? Oui. Non, probablement pas du tout. Ce sont des outils de tentative, de synthèse, de collectif de travail. Mais même, ma remarque, je ne viens pas en contre de ce que vous avez dit, parce que je suis bien conscient, je suis bien d'accord que ce sont des outils extrêmement limités et qui demandent une articulation avec d'autres approches. C'est toujours une question un peu problématique qui revient dans les échanges autour de ces questions. Et je pense qu'il faut vraiment, de toute façon, acter peut-être le fait que ce ne sont pas des outils faits pour étudier des situations individuelles. Il ne faut pas que ça le soit. Je voudrais juste répondre rapidement. Le problème, ce dont on ne se rend pas compte, c'est la puissance du chiffre. Et certes, on est d'accord avec vous, ce n'est pas fait pour... identifier des situations problématiques, ce n'est pas fait pour rendre compte d'un vécu, tout à fait d'accord. Sauf que le gestionnaire qui va recevoir votre rapport, lui, ce qu'il regarde, et on l'a dit tout à l'heure, ce qui est quand même utilisé par les acteurs, c'est le chiffre. On souffre plus ici qu'ailleurs. C'est comme ça que c'est utilisé. Donc je pense que nous avons en tant que scientifiques une forme de responsabilité quant à l'utilisation des résultats et quant aux outils que nous élaborons. Parce que il faut bien voir que, Sandrine l'a souligné, mais Tariq, je pense que tu l'as observé également, c'est que ces études quantitatives, les entreprises veulent du quantitatif. Les responsables de CHSCD veulent du quantitatif parce que c'est encore un outil extrêmement puissant pour convaincre autrui que ici la situation est dramatique ou au contraire qu'elle ne l'est pas, etc., etc. il y a une objectivation forte, et pour autant, ce n'est pas objectif. Je pense que personne ne peut dire que ces outils sont objectifs, mais il y a une forme d'objectivation et une puissance communicationnelle. Si je peux me permettre, pour faire la conclusion, il y a un sentiment d'objectivation qui peut se discuter. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que dans l'histoire, même si je ne suis pas historienne, j'ai parlé tout à l'heure des 30 ans des CHSCT. Les CHSCT sont le résultat d'une histoire syndicale, que la reconnaissance de certaines maladies professionnelles est le résultat de la mobilisation d'acteurs et de traduction de discours venus des travailleurs sur leurs propres conditions. Donc aujourd'hui, dans cette première table ronde, on a effectivement parlé des instruments et des acteurs souvent mobilisés venant de l'extérieur pour parler de ce que ressentent les travailleurs, mais qu'il y a aussi une forme de connaissance qui peut être produite par les travailleurs et qui ensuite fait l'objet d'une traduction par différents types d'autres acteurs. Donc se pose aussi la question évidemment de que faire de ces différents éléments. Donc les chiffres ont un pouvoir très puissant effectivement, mais il n'y a pas non plus que des expertises qui reposent sur des chiffres, il y a aussi quand même des méthodologies qualitatives qui sont mobilisées. La question qui n'était pas posée par cette table ronde et que je laisse évidemment ouverte, mais qui a été quand même déjà soulevée, c'est celle de « et après ?» Que faire du rapport? Donc, que faire de la photographie? Est-ce qu'on appelle un autre photographe au même moment? Est-ce qu'on fait un film avec des indicateurs réguliers? Est-ce qu'on met en place des comités quelle appropriation peut-il y avoir de ces rapports et des outils qui est sans doute peut-être au moins aussi importante que ce qui a permis la construction des rapports et des expertises, comme l'a d'ailleurs souligné Tariq à la fin de sa présentation, faire le débat, ouvrir le débat autour du travail et l'organisation du travail. Si déjà ça sert à ça, y compris dans les organisations les moins où le contexte est le moins favorable, c'est déjà pas mal. Pour essayer de finir sur une note un peu plus positive, peut-être. Merci.